Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre du Vietnam au cinéma américain. I know very little about it over there, I'll tell you. And the less I know, the better off I'll be. I don't even know who we're fighting for over there, to be real honest with you. I think we're fighting for the North Vietnamese, ain't we? Le commentaire de ce GI américain qui ne sait ni pourquoi il est au Vietnam, ni pour qui il se bat dans cette guerre américaine du Vietnam a quelque chose de totalement absurde, de profondément troublant aussi. Le documentaire Heart and Minds, Le cœur et les esprits, réalisé par Peter Davis en 1974 et duquel est tiré cet extrait, va d'ailleurs recevoir l'Oscar du meilleur film documentaire en 1975. Ce documentaire et quelques autres auront un impact important, entre autres, sur les campus universitaires durant les années de cette guerre du Vietnam. Vont contribuer aussi au mouvement de protestation contre la guerre. Hollywood, en revanche, va tourner très peu de films de fiction durant la guerre du Vietnam, qui deviendra pourtant, par la suite, presque une obsession du cinéma américain de la fin des années 70, des années 80 et du début des années 90. Beautiful friend, this is the end. My film is not a movie. Mon film n'est pas un film. C'est pas du cinéma. My film is not about Vietnam. C'est pas au sujet du Vietnam. It is Vietnam. C'est le Vietnam. It's what it was really like. C'était, it was crazy. C'était comment était Vietnam réellement, vraiment, c'était fou. And the way we made it was very much like the way the Americans were in Vietnam. La façon dont on a fait le film, c'était à peu près semblable à la façon dont les Américains se manifestaient en Vietnam, au Vietnam. We were in the jungle. On était au jungle. There were too many of us. Et on était de trop dans l'équipe. We had access to too much money. On avait accès à trop d'argent. Too much equipment. Trop d'équipement. And little by little we went insane. Et peu à peu, on est devenu fou. Francis Ford Coppola, en conférence de presse au Festival de Cannes le 19 mai 1979 à propos de son film Apocalypse Now, qui va recevoir la Palme d'Or cette année-là à Cannes ex aequo avec le film Le Tambour de Volker Schlöndorff. Pour nous parler de la place que va occuper la guerre du Vietnam au cinéma américain, je reçois Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour. Hollywood va tourner beaucoup. Beaucoup, beaucoup de films sur le Vietnam. Pourquoi autant de films, Michel Coulombe? Parce que c'est un grand traumatisme. La Deuxième Guerre mondiale, c'était très simple d'une certaine façon. L'Amérique, les États-Unis allaient d'un bloc au combat et Hollywood était derrière. Quand on est arrivé à la guerre du Vietnam, l'Amérique était divisée, Hollywood n'était pas derrière. Donc les images qu'on donnait de cette guerre-là, qui était une guerre télévisuelle, hein, parce qu'on a pu la suivre à la télévision, étaient des images de résistance, des images de massacre, des images de cette société qui s'ouvrait à la révolution sexuelle, qui s'ouvrait au mouvement hippie, qui était profondément peace and love et qui voyait les siens partir au combat pour une guerre qu'on ne comprenait pas, ouais. Un front qui était un peu flou, la drogue qui les attendait là-bas, quelque part dans la jungle, et puis cette grande question, pourquoi? Ouais. Et en fait, ça fait que c'est après beaucoup qu'on va s'intéresser au Vietnam parce qu'on ne l'aime pas, cette guerre-là, et on ne la comprend pas. Donc, pendant la guerre, il n'y aura pas beaucoup de films. C'est après que ça deviendra une obsession pour comprendre le traumatisme, ce qui s'est passé là. Pourquoi pas de films? Il y a quoi? Il y a deux ou trois films pendant la guerre comme tel? Il y a néanmoins John Wayne. Ouais. Il y avait si peu de films donc pour soutenir l'effort de guerre que John Wayne, grand héros américain, héros de la droite, héros des westerns, de films aussi consacrés à la Seconde Guerre mondiale, dit, il faut faire enfin un film pro-militaire. Et donc, il a obtenu le soutien du président américain, M. Johnson, le matériel de l'armée, pour présenter ce que faisaient les forces spéciales. Et donc, il a fait un film héroïque. Il n'y en a à peu près pas d'autres. Qui s'appelle Les Bérets Verts. Qui s'appelle Les Bérets Verts. Donc, c'est la représentation de ce groupe-là, les Bérets Verts, les forces spéciales, qui se trouvent donc en terrain ennemi, où on va contribué à la construction d'une base américaine. Et à la fin, ce béret vert qu'on donne à un jeune enfant vietnamien comme une passation de quelque chose de grand, quelque chose d'américain, s'est fait tellement au premier degré que le film s'est fait, lui, massacrer mur à mur. Ouais. On a beaucoup tourné en dérision, effectivement, cet héroïsme et ce patriotisme exprimé par John Wayne. Donc, sinon, à peu près rien d'autre. Sinon que des films, rien d'autre sur des films qui nous montrent directement pendant la guerre du Vietnam, mais d'autres films, Michel Coulombe, c'est intéressant, qui tournent autour du pot, qui nous montrent pas la guerre du Vietnam, mais qui parle de guerre, mais d'autres guerres. Le meilleur exemple, c'est encore The Big Shave, un film du jeune, très jeune, Martin Scorsese, très jeune, on est en 1967, c'est un court-métrage, vous pouvez le trouver d'ailleurs en ligne, hein. C'est facile de le trouver, et c'est un homme dans sa salle de bain qui se rase, tout est blanc, c'est parfait cet univers-là, c'est un bel univers aseptisé. Et plus il se rase, plus le sang coule. Et coule, et coule à l'infini. C'était une représentation métaphorique de ce massacre de la jeunesse, effectivement, durant la guerre du Vietnam. De la même façon, à l'époque, c'est la comédie musicale Air qui est très, très en vue, qui deviendra un film de Miloš Forman, beaucoup plus tard, en 1979, mais qui exprime cet affrontement entre une culture hippie et ce devoir de participer à une guerre qu'on ne comprend pas. Et puis toute une série de films qui vont parler parfois de la guerre que mèneront les Américains aux Indiens d'Amérique, des films qui parleront de la Première Guerre, des films qui parleront de la Deuxième Guerre mondiale, avec des messages souvent pacifiques, mais pas la guerre du Vietnam au moment où elle se déroule. À la fin de la guerre, en revanche, on va tomber là vraiment très, très rapidement dans une production massive. On va s'intéresser, Hollywood va s'intéresser tout à coup beaucoup à la guerre du Vietnam et particulièrement dans un premier temps au retour des vétérans du Vietnam. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Hein? Écoutez bien, bande de dépravés. Vous avez devant vous un homme qui en a marre. Un homme qui n'en peut. Écoutez bien, bande de dépravés. Voilà l'homme pour qui la coupe est pleine. L'homme qui s'est dressé contre la racaille, le cul, les cons, la crasse, la mer. Voilà quelqu'un qui a refusé. Extrait du film Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976 et ce fameux Are You Talking to Me de Robert De Niro. Le ton est donné avec ce qu'on vient d'entendre, Michel Coulombe. Référence immédiate à The Big Shave dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on a un homme face à sa glace dans la salle de bain, donc qui est face à lui-même. Et donc là, un vétéran du Vietnam, chauffeur de taxi, insomniaque, traumatisé par ce combat. C'est pas le seul de ces vétérans en difficulté. Ça commence les hostilités, si on peut dire, avec un film lancé par Jane Fonda, qui était très présente sur les fronts. Il faut rappeler qu'il y a eu des manifestations en grand nombre. La jeunesse américaine est allée dans la rue. Certains sont venus au Canada, il faut le dire aussi, pour éviter la guerre. Et donc, Jane Fonda était très présente. Elle a rencontré un homme qui s'appelle Ron Kovic. Ron Kovic, donc, qui va lui inspirer ce film « Coming Home », donc « Le retour », qui est centré sur une femme. Donc, la vie d'une femme dont le mari est parti à la guerre et dont les amours, puisqu'elle va donner assistance à ces hommes qui reviennent de la guerre, dont les amours vont l'amener à rencontrer un homme paraplégique. Ouais. Elle est entre ces deux figures masculines et elle s'interroge sur cette guerre qui ne donne rien. Ouais. Et il y en aura vraiment beaucoup d'autres films qui nous parleront de ces vétérans et du traumatisme des vétérans. Déjà, avec Taxi Driver, on entend un peu l'état d'esprit dans lequel est le personnage de Robert De Niro. Un de ses films, donc, qui va parler de ce traumatisme des vétérans du Vietnam, c'est le chef-d'œuvre de Michael Cimino, Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, en 1978. Oh! Go ahead, Nicky, go ahead, just do it. Do it. Go ahead. Ah! Didn't Ce qu'on entend, Michel Coulombe, c'est un extrait de ce film, de ce chef-d'œuvre, Deer Hunter. C'est la fameuse scène, la célèbre scène de la roulette russe. Le film et cette scène-là seront très controversés, mais évidemment, à la radio, c'est pas évident. Rappelez-nous ce qui se passe à ce moment-là. Ce qu'on vient d'entendre, ça correspond donc à quoi? C'est que dans le film, il y a deux scènes de roulette russe dans Deer Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer, et on place deux personnes l'une face à l'autre, l'une des deux devra mourir. Donc il y a une balle dans le baril, on tourne, et puis si c'est pas moi, vous essayez à votre tour, et si c'est le premier malchanceux, des deux, et donc ce sera notamment la scène finale du film, qui est absolument terrifiante. Ce sont des scènes insoutenables. La Chine et le Vietnam, d'autres pays communistes, vont protester contre la représentation sadique qu'ont fait des Viet Cong dans ce film. Voyage au bout de l'enfer, d'ailleurs, va s'opposer aux Oscars à Coming Home. Ce sera donc la grande année du Vietnam parce que c'est Voyage au bout de l'enfer qui l'emporte, là, mais ce sera donc la grande année où on parle de cette thématique-là. Celui qui est sur scène pour remettre le prix, c'est Francis Ford Coppola, qui lui-même est en train de préparer Apocalypse Now. Alors, vous voyez qu'à la fin des années 70, c'est très présent. Et Voyage au bout de l'enfer est donc le film le plus complet parce qu'on est du côté de sidérurgistes qui s'ennuient, leur vie est plutôt ordinaire, morne, sans intérêt. Et le Vietnam représente une aventure. Ce sont trois amis, ils vont aller à la guerre, il y a de l'exotisme là-dedans. Et donc on a l'avant, cette platitude de la vie qui correspond à la vie de l'Amérique profonde, c'est la représentation qu'en fait Michael Cimino, la guerre dans toute son horreur, et puis le retour, parce que certains reviendront, d'autres pas, et dans ce reviendront pas, il y a effectivement une scène de roulette russe, et ce sera l'un des deux amis qui survivra. Ouais. C'est un film qui est terrible, et qui sera effectivement l'occasion aussi d'une prise de conscience quant à ce qu'a représenté cette guerre et la cruauté, ce à quoi ont été soumis ces gens-là, parce que très souvent, les vétérans revenaient et n'étaient pas bien considérés par la population américaine. On les percevait plutôt comme des parias de la société. C'est ce qu'on voit par exemple dans Rambo. On a là quelqu'un qui revient, Sylvester Stallone, de la guerre, et qui est complètement isolé, déconnecté, débranché de sa société, et qu'on ne comprend pas. Et s'il y a tant de films sur le traumatisme des vétérans, parce qu'effectivement, vous en avez nommé quelques-uns, mais il y en aura beaucoup. C'est probablement, Michel, que l'Amérique entière, ce pays, les États-Unis, est lui-même encore profondément traumatisé par la guerre du Vietnam à ce moment-là. Oui, parce que c'est une défaite. C'est déjà une guerre incompréhensible. C'est une défaite. Et pire que ça, aujourd'hui, on constate que la jeunesse américaine, et la jeunesse, c'est tous ceux qui sont nés après la guerre du Vietnam, donc qui ont 40 ans et moins, savent rien de cette guerre-là. Ce qu'ils savent vient des films. Or, ce que disent les films, c'est la folie, des massacres, des crimes absolument haineux, donc des dérapages de toutes sortes, et puis un retour extrêmement difficile. Donc, il n'y a rien là-dedans qui soit à célébrer, alors qu'aux États-Unis, on va à la guerre volontairement, très souvent. Il y a beaucoup de gens qui se portent volontaires. Là, dans ce cas-ci, c'est associé effectivement à une tâche sur la feuille de route. Oui. Et cette tâche, c'est cette zone d'ombre importante dans la tête de ces hommes et de ces femmes qui reviennent du Vietnam. C'est aussi le portrait froid, parfois très, très réaliste de ce qu'a été cette guerre. Parce qu'après ces premiers films, à la suite de la guerre, qui nous montrent beaucoup ces vétérans qui reviennent, on s'attaque vraiment, puis là, il y a un chef-d'œuvre qui nous attend, le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, on s'attaque vraiment à la description de ce qu'a été le Vietnam. Pourquoi Apocalypse Now est si important, Michel Coulombe? Parce que c'est un film sur la folie. Tout à l'heure, on entendait Francis Ford Coppola qui disait « Ce film, c'est pas sur le Vietnam, ce film, c'est le Vietnam. Ouais. » Le film, il faut dire que le tournage a duré 18 mois. Ça a été extrêmement difficile. Des conditions météorologiques effrayantes, des dérapages. Francis Ford Coppola lui-même a perdu 100 livres, de la drogue. Un premier acteur, Harvey Keitel, dont on se défait. Un deuxième, Martin Sheen, qui a un accident cardiaque, il doit arrêter. Il a tourné une scène sous influence assez impressionnante où il est seul dans sa chambre et on voit la folie s'emparer de lui. C'est la folie folie qu'on représente. Le scénariste a dit récemment, vous savez, il faut quand même dire que, bon, ce scénario-là, je l'ai écrit en écoutant deux choses, Wagner et puis les Doors. Et donc, c'est ce qu'on entend dans le film. Ouais. Et désormais, quand on voit des hélicoptères, il est difficile de ne pas entendre les Valkyries parce que c'est associé effectivement à cette représentation-là. Et donc, dans le film, ce qu'on a, c'est la folie ordinaire, je dirais, des gens qui vont au Vietnam, des soldats américains, mais celle suprême de Kurtz, donc ce colonel, cet homme qui est interprété par Marlon Brando, qui s'est formé un royaume, littéralement, et qui mène les choses à sa façon, de façon extrêmement barbare. Hein. C'est un homme qui massacre. Et donc, le personnage principal est là pour le tuer, pour s'en débarrasser, parce qu'il fait honte, effectivement, aux Américains. Mais on voit, dans ce personnage-là de Kurt, tout ce que la folie peut amener à faire. Et le mot final, hein, rappelez-vous de Citizen Kane, qui se termine par Rosebud, eh bien là, c'est l'horreur. L'horreur. Et c'est sur cette idée même d'horreur que se conclut le film. C'est pour nous dire à quel point, effectivement, il y a là, dans cette image de la guerre du Vietnam, quelque chose d'intenable. Ouais. C'est étonnant parce que c'est adapté d'un roman qui, lui, parlait du Congo. Alors, on a repris un roman de Conrad et on l'a transposé, effectivement, dans le contexte vietnamien. Un autre film important qui décrit cette horreur du Vietnam, c'est Platoon d'Oliver Stone en 1986. Je suis sûr maintenant, quand j'y repense, que nous ne nous sommes pas battus contre l'ennemi. Nous nous sommes battus contre nous-mêmes. L'ennemi était en nous. La guerre est finie pour moi maintenant. Mais elle restera toujours présente, jusqu'à la fin de ma vie. Je suis sûr également qu'en moi, Elias continuera à se battre avec Barnes pour ce que Ra appelait la possession de mon âme. Depuis lors, à certains moments, j'ai eu l'impression d'être un enfant né de ses deux pères. Mais en dehors de ça, ceux d'entre nous qui ont survécu ont l'obligation de reconstruire et d'enseigner aux autres ce que nous savons et d'essayer pendant les jours qui nous restent de trouver un but et un sens à cette vie. Est dans cet extrait. On pourrait dire que tout est dans cet extrait, Michel Absolument. Coulombe. Absolument. C'est la conclusion du film de Platoon. Dans Platoon, comme dans plusieurs films qui représentent la guerre du Vietnam, les films américains qui parlent de cette guerre, il y a le rapport aux Vietnamiennes. Des cas de viol répétés, tous les désordres de l'armée américaine sont ramenés à ces gestes de barbarie à l'égard des femmes qu'on veut posséder, qu'on viole. Bon, c'est exactement le cas dans Platoon. Et ça prend un sens particulier parce qu'Oliver Stone a une légitimité. Il a fait la guerre du Vietnam. Il était sur le front, ce qui va lui permettre effectivement d'affirmer les choses haut et fort en disant « D'abord, je fais Platoon en réaction au béret vert de John Wayne. Je déteste ce film. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. » Donc, c'est déjà un travail de correction. Et puis, par la suite, il va poursuivre son travail, c'est-à-dire faire deux autres films. Ce sera une trilogie. Le deuxième, c'est donc né le 4 juillet. Et là, on revient au retour, ouais. Coming Home, puisque Ron Kovic, le personnage qu'avait rencontré, en fait, la personne qu'avait rencontré Jane Fonda, dont elle avait fait un personnage, et effectivement, celui dont est inspiré le film, qui est un homme effectivement né le 4 juillet, qui parle de sa réinsertion dans la société américaine, de cette difficulté donc de vivre avec tout ce qu'on a connu là-bas. Mm-hmm. Et puis il y aura un troisième film qui raconte l'histoire d'une Vietnamienne en amour avec un Américain. Donc est-ce que c'est possible d'avoir cette relation-là, une relation amoureuse entre une Vietnamienne et un Américain? Donc vous voyez entre ciel et terre en 93, c'est le dernier film. Donc vous voyez qu'il a tout couvert, Oliver Stone, avec vraiment cette voix-là très forte de quelqu'un qui dit « J'étais là ». Et c'est fascinant parce qu'au fond, lui, il était là. Il est donc plus que peut-être n'importe qui d'autre, obsédé de ce sujet-là. Et son parcours, Michel, que vous venez de décrire, c'est le questionnement, je reviens à l'extrait de Platoon, est-ce que l'ennemi est en nous? Mais ces trois films, c'est un peu le cheminement que va faire, que feront les États-Unis, que feront les Américains, comme réflexion sur le Vietnam. D'ailleurs, quand il aura terminé sa trilogie Oliver Stone, le filon va s'épuiser. Ouais. On est au début des années 90, et à partir de ce moment-là, on fera moins de films sur cette guerre-là. Ce qu'on avait à dire n'était pas beau en termes de bilan. Hein. C'est à la fois ce qu'on y a fait, à la fois ce que ça a fait de nous, à la fois notre rapport aux vétérans, qui parfois est un rapport extrêmement difficile pour les Américains. On va jusqu'à dire à la fin d'un film, Hamburger Hill, aimez-les. Vous n'avez peut-être pas compris toujours ces vétérans, mais aimez-les, essayez de leur trouver quelque chose de positif parce qu'il y a eu ce rejet. Donc, vous voyez que ce travail-là était un travail difficile hein, parce que c'est un travail d'autocritique, un travail d'exorcisme de la part des Américains. Ce n'est pas ce qu'ils font normalement. Ouais. Ce n'est pas du tout le bilan, par exemple, qu'on fait de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on était attaqué, c'est Pearl Harbor, on s'est lancé dans la bataille sur le front européen, sur le front japonais. C'était légitime, nous avions affaire là, nous avons défendu l'intégrité du territoire américain, nos valeurs et tout. Là, qu'est-ce qu'on défend? C'est pas très clair et ce qu'on y a fait est quelque chose de très sombre, notamment à l'égard des femmes. Ouais. Donc, désintérêt graduellement à partir du début des années 90, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du Vietnam dans le cinéma qui se fait aux États-Unis, Michel Coulon? Ben, des traces de temps à autre. Par exemple, Forrest Gump, il y a quelques années déjà, est un homme qui était allé au Vietnam, qui avait sauvé des tas de vies, donc ça fait partie de la légende de Forrest Gump. Donc, on est dans quelque chose de plus positif. Parfois, un cinéaste va y revenir, mais ce qu'on remarque quand même du parcours du cinéma américain à l'égard de la guerre du Vietnam, c'est que les grands cinéastes sont passés par là. Tous. Parce qu'on a, bien sûr, Coppola, on l'évoquait, mais aussi on a un Stanley Kubrick, qui, lui, avec Full Metal Jacket, parle autant de l'entraînement que de la guerre, et dans un cas comme dans l'autre, ça tourne plutôt mal. Donc, vous voyez, Brian De Palma est allé aussi avec Casualties of War, là où aussi, hein, c'est ce qu'on fait aux femmes, ce qu'on est les uns face aux autres, les confrontations. Il y avait comme un besoin. Tous les grands réalisateurs voulaient faire leur film sur le Vietnam. Ben, c'est un film sur la conscience de l'Amérique. Parce que l'Amérique comme gendarme de la planète, c'est une question qui va revenir avec l'Irak, l'Afghanistan, bien sûr. Il y aura aussi des films de guerre qui vont aller de ce côté-là. Mais dans le cas du Vietnam, puisque c'est plus de 50 000 soldats américains qui sont morts, des tas d'éclopés qui en sont revenus. Et là, on ne vous parle pas des gens qui sont sous le coup d'un choc post-traumatique. Et puis, plus de 2-3 millions de personnes qui sont mortes dans cette guerre pour, au final, rien. Enfin, rien de concluant. Donc, pour l'Amérique, ben, c'est une grande défaite. Et c'est donc un examen de conscience auquel on a eu droit sur la place publique que la société américaine n'a pas fait parce que quand il est devenu président en 1980, Ronald Reagan, il a voulu réhabiliter la guerre du Vietnam. Alors, vous voyez, dans le discours public, c'est plutôt une guerre qu'on a tenté de remettre à sa place en disant, quand même, n'avons-nous pas bien fait d'aller de ce côté? Et puis, l'Amérique, presque au grand complet, a poussé un grand soupir et dit non, pas vraiment, parce que ça a été effectivement quelque chose de triste à tous les égards. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio, à la télévision de Radio-Canada. Merci beaucoup, Michel. C'est un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.